Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillées de prière, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. C'est l'heure des infoservices. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons échanger avec le serviteur Sanogo Ousseini. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. L'église Ambassade des Miracles organise un programme spécial et vous êtes là pour en parler. C'est ça. Alors, bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse. Et donc, nous sommes là pour annoncer l'ouverture d'un camp de prière. Le camp de prière se dénomme la clinique spirituelle miracle. Oui, mais pourquoi c'est intitulé? Oui, un camp de prière. L'objectif, lorsqu'on se retire, c'est de chercher la face de Dieu. Mm-hmm. Parce qu'on a un mal quelque part, on va chercher la face de Dieu dans le but d'être guéri. Donc, ce camp-là, dénommé, c'est prophétiquement que ça a été dénommé par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Mm-hmm. La clinique, pourquoi? Parce qu'on rentre là-bas malade et on ressort guéri. Donc, ce camp de prière... C'est un lieu de retraite spirituelle, un lieu de prière, de délivrance, de cure d'âme, d'action prophétique, de réception individuelle, d'enseignement. Et donc, l'inauguration du camp aura lieu le samedi 15 février. D'accord. Voilà. Ce samedi donc? Ce samedi-là, voilà. Sous le coup de quelle heure? À partir de 8h. D'accord. Un appel à lancer? Oui, donc nous invitons tout le corps de Christ. Nous disons que c'est vrai que c'est le bishop Ouattara Mohamed Idriss qui ouvre le camp, mais ce camp... dédié à tout le corps de Christ, tous ceux qui sentent le besoin donc de prier, le besoin de se retirer. On n'a plus besoin d'aller hors d'Abidjan. Donc le camp se retrouve ici à Abidjan, à Cocody, au niveau de carrefour d'un camp. Voilà, au niveau du carrefour d'un camp. Et le contact pour pouvoir joindre les responsables, c'est le 59 200 200. 59 200 200. Merci infiniment, serviteur Sanogo Ousseini. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. L'âme reste et nous sommes avec le serviteur de Dieu, Michel Seri. Bonjour. Bonjour, tonton Criso. Les midis de feu. Les midis de feu, c'est notre quotidien maintenant. En ce sens que nous nous réunissons tous les mardis et tous les mercredis sous le coup de midi et ce jusqu'à 14h. Donc nous voulons inculquer cette méthode, pour ne pas dire cette haute habitude, au corps de Christ, aux évangéliques, de s'habituer à prier entre midi et deux. C'est un temps nonchalant, c'est un temps de faim, c'est un temps de lassitude, c'est un temps de sommeil. Mais quand tu réussis à dominer le sommeil pour prier entre midi et deux, tu es en train de remporter de grandes victoires. On nous a dit en musique que ce que tu joues à minuit, joue-le à midi. Ce que tu joues à midi, joue-le à minuit. Tu as fini de prier à minuit, fais aussi à midi. C'est les deux extrêmes. Midi, minuit. Le thème qui va nous réunir cette semaine, c'est la marche surnaturelle. Nous remarquons que les chrétiens sont conditionnés par le naturel. Sont conditionnés. Quand on n'a pas obtenu gain de cause, quelque chose qui est physique, on n'a pas obtenu le mariage, on n'a pas obtenu un contrat, on n'a pas obtenu telle ou telle chose, notre joie disparaît. Notre Dieu n'est pas naturel. Notre Dieu est surnaturel. Nous voulons amener les chrétiens à dépasser le stade du naturel pour entrer dans le surnaturel. Tout ce qui arrive à un homme sur la terre se décide dans le surnaturel. Tout a un prix. Viens, écoutez, comment transcender du naturel au surnaturel. Tout ce qui arrive à un homme dans le naturel se décide dans le surnaturel. On a l'exemple palpable de M. Job. Nous sommes à Cocody de Plateau, en face du restaurant BMW, dans le quartier de l'église catholique Saint-Jacques. Pour pouvoir nous joindre et surtout pour nous rejoindre, nous sommes au 05 01 56 42, 05 01 56 42 ou le 01 54 83 80. La marche surnaturelle, c'est tout à l'heure, sous le coup de midi. D'accord, évangéliste Michel Lasséry. Que Dieu bénisse. Nous allons nous tourner vers le représentant du MDRAM, pasteur Boué Ferdinand. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui motive votre présence ici ce matin? Voilà, je salue les auditeurs de la radio et je bénis Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir venir nous exprimer sur ce plateau. Le MDRAM organise un moment de délivrance, pour pouvoir aider le corps de Christ dans la nation. Un moment de délivrance pour pouvoir aider les chrétiens qui n'ont pas encore expérimenté la gloire de Dieu, afin qu'ils puissent expérimenter la gloire de Dieu. Et ce moment sera du 18 au 21 février, voilà, 2020, sur le coup de 18h30. Et ça sera traité. Le thème qui va nous réunir pendant ce séminaire, ce moment de délivrance, c'est connaître et vaincre les tempêtes du désert. Vous savez que dans le désert, il y a des tempêtes. Dans le désert, il y a beaucoup de choses qui ont empêché les enfants de Dieu de pouvoir entrer à Canaan. Et ces choses-là seront traitées par deux orateurs de taille, le prophète Nazaré Didier, qui est le président fondateur du ministère de la délivrance et du rachat des âmes, et le pasteur Timothy, qui nous vient de la France. Quelqu'un aussi que Dieu investit dans le domaine de la délivrance. Ces deux orateurs de taille vont nous aider à vaincre les tempêtes du désert. Comment les connaître d'abord et les vaincre, afin de pouvoir marcher au pas du géant en cette année 2020. D'accord, une invite rapide. exactement? Ce programme aura bel et bien lieu au Centre évangélique des miracles situé à Faya, précisément derrière la clôture du nouveau camp sur la route de Djorobité. Et je vais inviter le corps de Christ, je vais inviter les responsables, le pasteur, tout le peuple de Dieu à venir massivement afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans la les vie. Les contacts? Voilà, nous sommes joignables au 47 65 52 06, je reprends, 47 65 52 06 ou au 40 44 67 15. 40 44 67 15. Merci infiniment, pasteur Boué Ferdinand du MDRAM. Monsieur Le Pacom de l'ONG AT Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes là pour nous parler des activités de la dite ONG. Oui, bonjour, fidèle auditeur, fidèle auditrice de la radio Fréquence Vie. AT Côte d'Ivoire, l'Alliance chrétienne pour la totale émancipation et la solidarité en Côte d'Ivoire, existe dans le domaine de l'optique et de la lunetterie. Et nous sommes là ce matin pour informer la population ivoirienne que AT Côte d'Ivoire permet à la population d'obtenir les verres correcteurs à des prix réduits. À AT Côte d'Ivoire, les montures, le prix minimum des montures est à 5000 francs. Le prix minimum des visions de loin ou des visions de près est à 15000 francs. Le prix minimum des double foyers, les verres qui ont deux zones de vision, une vision de loin et une vision de près, à 20000 francs. Le minimum des verres progressifs est à 40000 francs. Et nous voulons informer tout le monde, quel que soit le lieu où vous avez effectué votre examen de vue, que ce soit dans un centre public, que ce soit chez nous ou en dehors de chez nous, vous pouvez venir à AT Côte d'Ivoire pour bénéficier de nos prix. À AT Côte d'Ivoire, tu n'es pas obligé de payer l'intégralité de tes verres, du prix de tes verres sur le champ. Si tu n'es pas à mesure, tu peux échéancer, payer en plusieurs versements et à l'issue, après avoir fini de solder, nous te livrons les verres correcteurs. Et c'est du social. C'est du social. Rien que du social. Et le social est une réalité. Je voudrais dire qu'au niveau de AT Côte d'Ivoire, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 8h à 17h pour toutes nos activités. Mm-hmm. Mais pour les contrôles de vue où on vous donne le type de verre qu'il faut porter, c'est de préférence dans la matinée. Et les samedis, nous sommes ouverts de 8h à midi. Un conseil, l'œil est un organe très sensible. Ne confiez pas vos yeux aux ambulants. Ne confiez pas vos yeux à tous ceux qui vendent les verres dans la rue. Adressez-vous aux spécialistes et AT Côte d'Ivoire met des spécialistes à votre disposition. Nous sommes situés dans deux communes, à Cocody, Cité des Arts, précisément entre l'école de gendarmerie et l'INSAT. Là-bas, vous pouvez nous joindre au 01 04 50 17, 01 04 50 17 ou au 79 14 61 47, 79 14 61 47. Nous sommes aussi à Yopougon, Kenya, précisément en face du bureau de la CIE et nous partageons le même immeuble à la Bambé. Nous sommes au troisième étage. Vous pouvez nous joindre au 01 04 50 16, 01 04 50 16 ou au 79 14 61 48, 79 14 61 48. Bonne santé des yeux à tous, que Dieu nous garde. Merci. Évangéliste Comé Timothée, bonjour. Bonjour, serviteur de l'Éternel. La cellule de l'exaucement, c'est dans quelques heures. Oui, au théâtre de la cité. C'est tous les mardis, comme tu as dit. Et nous sommes là à l'amphithéâtre, la grande salle des fêtes de l'amphithéâtre de la Cité Rouge de Cocody, qui n'est pas cachée. C'est en face, la cité qui est en face des bureaux de la SODECI et de la CIE de Cocody, non loin de Saint-Jean. Et après, c'est entre la RTI et Saint-Jean. Donc la Cité Rouge est juste en face des bureaux. Et je suis là pour rappeler encore à quelqu'un que nous sommes en train d'aller, nous sommes au deuxième mois. Et dans ce deuxième mois, comme je le dis, on a prié le mardi dernier pour que tout ce qui est soustraction, parce que le mois de février est un mois, c'est le plus court des mois, parce que des jours ont été enlevés. Et le mois aussi de février était un mois instable. Et nous, j'ai demandé au peuple de Dieu de prier pour tout ce qui est instabilité dans tout le domaine de notre vie. Et nous sommes dans une semaine importante parce qu'aujourd'hui même, ce mardi, nous avons la prière et la cellule de l'exaucement qui est cette plateforme où chaque chrétien vient prier, vient adorer, vient célébrer Dieu. Et c'est pourquoi nous encourageons tout le peuple de Dieu à, en plus d'avoir écouté la parole, en plus d'avoir reçu des révélations, de venir à la chambre haute. C'est ouvert à tout le monde, que ce soit évangélique, méthodique, protestant, à tout le monde, que ce soit votre communauté, à venir dire: Seigneur, en 2020, je refuse toute mauvaise nouvelle. En 2020, je veux voir l'accomplissement des promesses dans ta vie. D'accord, c'est ouvert à tous. Le thème? Le thème d'aujourd'hui qui sera traité par votre serviteur, l'évangélique Kwame Timothée, est tiré de 1 Samuel 30, verset 8. 1 Samuel 30, verset 8 qui dit: au nom de l'Éternel, je poursuivrai, j'atteindrai et je reposséderai mes droits. je poursuivrai, j'atteindrai et je le posséderai demain. C'est l'histoire de David qui était absent et sa ville a été pillée, Ziklag a été pillée par des Amalécites. Et la Bible déclare que quand David est arrivé, il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait point de faute. Je voulais dire à quelqu'un, quelles que soient les pètes, quelles que soient ce qu'on t'a arraché, les pleurs, Dieu n'exauce pas les pleurs, il exauce ceux qui prient. Anne a pleuré, rien n'a changé. Et ensuite, quand David a fini de pleurer, la Bible déclare que David consulta l'Éternel. Ça veut dire qu'en cette année 2020, nous voulons encourager les gens par ce thème-là à ne pas compter. On dit, il consulta l'Éternel en s'appuyant sur l'Éternel. Et il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il y a des gens qui s'appuient sur leur beauté, mais qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens qui s'appuient sur leur diplôme, qui n'ont pas d'emploi. Il y a des gens qui s'appuient sur leur dossier qu'ils ont, mais la banque ne peut pas te financer. Et la Bible déclare que David a dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Dieu l'a dit quoi? Poursuis, car tu atteindras et tu reposséderas. Donc, pourquoi Dieu a dit à David? David a poursuivi, il a rattrapé. Et il a repossédé ses biens et ses femmes et son héritage. Donc, aujourd'hui, je vais enseigner comment rattraper ses retards. Et ce vendredi 14 février, nous avons la grande veillée, la deuxième édition de la Nuit des Intercesseurs, toujours à l'amphithéâtre. Mais aujourd'hui, venez d'accord. Pour ce thème important, important. Poursuivre, rattraper et reposséder ce que l'ennemi nous a pris. La suite, c'est pour tout à l'heure. Les contacts. Le 57 43 88 86. 57 43 88 86. Où ? Au 08 64 94 48. 08 64 94 48. Tout à l'heure, entrée libre à la cellule de l'exaucement à l'amphithéâtre de la Cité Rouge de Cocody avec la chambre haute. La cellule de l'exaucement, c'est dans quelques heures au théâtre de la Cité. Et pour en parler, nous étions avec l'évangéliste comme Timothée. Merci. Pasteur John Kofi, bonjour. Bonjour, serviteur de l'Éternel. La nuit des intercesseurs, deuxième édition 2020. C'est pour ce vendredi. Oui, c'est pour ce vendredi. Nous voulons dire à quelqu'un, la parole du Seigneur déclare en Jacques 5, verset 13, il dit que si tu es dans la souffrance, il faut toujours prier. Ce n'est pas le temps de te morfondre, ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de te lamenter. Mm-hmm. Car la souffrance d'un homme commence à se résoudre quand il se lève pour prier en tant qu'enfant de Dieu. Mm-hmm. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes maintenant, dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce vendredi, nous avons notre programme de tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, qui est appelé la nuit des intercesseurs, de 21h à l'aube, à l'amphithéâtre de la Cité Rouge de Cocody. D'accord, le thème de ce vendredi? Oui, nous avons un grand thème qui sera traité ce jour avec notre père l'évangile Kwame Timothée, qui est « Au nom de Jésus, je poursuivrai, j'atteindrai et je reposséderai mes droits qui ont été bloqués. » Quelques explications, oui. Dans 1 Samuel 30, verset 8. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui t'a été bloqué. Il y a quelque chose qui t'a été volé. Comme dans Jean 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire ou égorger. Mais qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Qu'est-ce qui a été bloqué dans ta vie? C'est ce thème-là qui sera traité avec notre père, l'évangile Kwame Timothée, ce vendredi, qui est la nuit des intercesseurs. Bien-aimé de Dieu, il est arrivé un moment où, tant que tu vas te morfondre, comme le cas de Anne avec Pénina, tant qu'elle est en train de pleurer, tant qu'elle est en train de gémir, sa situation ne pouvait pas changer. Mais logique, elle s'est levée, elle a dit que trop c'est trop. Elle est partie à Silo pour aller parler devant l'Éternel Dieu. Elle a poursuivi son besoin et cela est venu dans sa vie. David a poursuivi les gens qui avaient pris tous les biens, disons, de son pays. Mais David, avec le courage, la détermination, David a poursuivi. David est parti atteindre ses droits qui lui revenaient. Le sous-thème? Oui, nous avons un sous-thème qui sera traité encore, qui est « Seigneur, oriente vers moi la personne que je dois épouser », qui est tiré de Genèse 2, verset 18. Parce que la Bible déclare que l'homme n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'Éternel dit, je vais créer le semblable de l'homme pour que l'homme puisse être accompagné. D'accord, l'orateur? Oui, l'orateur est l'évangéliste Kwame Timothée. Pour cette veillée, nous aurons un moment spécial qui est tombé le 14. Nous allons prier pour la vie du foyer. Nous allons prier afin que tous ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de rencontrer peut-être leurs conjoints dans leur vie puissent venir encore recevoir cette grâce. C'est ouvert à tous. Oui, c'est ouvert à tous et surtout l'entrée est gratuite. D'accord. Les contacts? Oui, nous avons les contacts, les suivants, le 57 43 88 86, 57 43 88 86, le 08 64 94 48, 08 64 94 48. Et toujours au théâtre de la oui, Cité? Oui, toujours au théâtre de la Cité Rouge de Cocody. Et précisément pour ce mardi, nous avons notre cellule de l'exaucement à partir de 11h jusqu'à 14h. D'accord. Merci infiniment, Pasteur John Kofi. Merci beaucoup.